Et bonjour tout le monde, bienvenue dans Chronobio, c'est la 38e édition déjà, ça passe super vite. Et on est en 2024, ça passe vraiment super vite. Aujourd'hui on va vous parler d'un groupe que personnellement j'aime beaucoup, de mes groupes de cœur il y a quelques années. Pour une petite anecdote, j'ai failli créer un festival juste pour ce groupe-là et un autre. L'autre groupe, on en a déjà parlé, c'était Burundanga que vous pourrez trouver dans la pochette. Aujourd'hui on va parler de Coldust, un groupe qui a très très vite explosé puisqu'il a été actif que pendant quelques années. Alors moi j'ai trouvé les premières publications sur Facebook, en tout cas ça datait de 2013, alors c'est peut-être 2012 avant le temps de se mettre en place, et ça s'est arrêté en 2016, donc on va dire 3-4 ans d'activité seulement. Ça leur a suffi en vrai pour sortir quelques trucs, pour très très bien marcher un peu partout, donc déjà dans notre région ici au Pays Basque. C'est un groupe qui est on va dire bayonné, ils se présentent comme basque-hollandais, alors voilà, ça se groupe quand même pas mal autour de Bayonne j'ai l'impression. Et puis petit à petit quand même assez rapidement, ça s'est quand même propagé à l'Aquitaine, ça allait vers Pau, vers Bordeaux, et puis avec des partenariats, avec des tourneurs, comme on dit, ils ont joué quand même pas mal. Et ils se sont arrêtés en 2016, ça on va peut-être en parler plus tard. Aujourd'hui, on va écouter 8 chansons de Coldust, réparties sur, on va dire, 3 petites périodes. 2014 avec leur premier EP qui s'appelle Of Muses and Mites, donc qui parle de muses et de mythes. Le second EP, Coldust, qui est quand même un peu plus gros, avec 5 chansons à la place de 3 pour le premier. Et puis 2 chansons qui sont sorties un peu plus tard. Voilà, on va parler de tout ça plus tard. Sachez quand même que si vous aimez ce que vous écoutez, eh bien, tout ça c'est retrouvable sur Bandcamp, quasiment tout ça c'est retrouvable sur Bandcamp. Il y a aussi quelques chansons notamment en acoustique sur YouTube, et puis on va vous parler des membres un peu plus tard. Pour l'instant on va écouter une première chanson de ce groupe Coldust, donc c'est sur leur première sortie, hein, leur premier EP qui s'appelait donc Of Muses and Mites, sorti en 2014. Et on va écouter une première chanson qui s'appelle Shades. C'est parti, c'est Coldust. Yeah. C'est Shades, c'est le premier morceau qu'on va écouter aujourd'hui du groupe Coldus, donc sur leur toute première sortie que vous pouvez retrouver sur Bandcamp, je vous rappelle, Of Muses and Mites. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce premier son qu'on écoute? Déjà que c'est peut-être encore pas tout à fait le groupe que ça deviendra, c'est normal, je dis ça à chaque fois, mais les premières sorties sont généralement plutôt des ballons d'essai, des petites expérimentations. Ici, donc, quand même qu'on peut noter, c'est donc les deux voix qu'on a. Alors il me semble que c'est le chanteur principal qui fait les deux voix sur cet enregistrement, mais sur scène il y a vraiment le chanteur principal et donc l'autre guitariste qui va aussi faire beaucoup de deuxième voix, les deux guitares qui font deux choses très différentes, une à droite, une à gauche, et puis quelque chose d'assez fréquent chez Coldus, c'est-à-dire un gros riff bien lourd, et puis derrière un truc assez mélodique, assez grandiose, assez entraînant aussi dans la rythmique. Voilà, on peut noter une petite double pédale à un moment donné vers la fin du morceau, et puis une voix aussi qui sonne très métal. Alors je sais que le chanteur, donc Mathieu, dont vous avez peut-être connu la voix, puisqu'il s'agit de Selenite, dont on a déjà fait l'interview sur Radio No Culture, lui vient du monde du métal, il était batteur dans un groupe de métal bayonnais, donc c'est peut-être de là il est passé ensuite à la guitare et à la voix, mais il y a quand même, je trouve, dans cette première chanson, en tout cas, quelque chose de plus métal que ce dont on aura l'habitude après. D'ailleurs, le groupe se présente lui-même comme un groupe de rock et non pas un groupe de métal. On va écouter une deuxième chanson sur ce premier EP. Le premier EP est composé de trois chansons seulement. On va écouter les trois, ça va bien nous mettre dans l'ambiance comme ça. Cette deuxième chanson s'appelle Numbers Trooper. Les deux mots sont collés. Voilà, sachant que vous pouvez aussi retrouver toutes les paroles des chansons sur Bandcamp. C'est noté en dessous de chaque chanson. On va s'écouter ce deuxième extrait de Coldust. Something's been hiding. Numbers Trooper, c'est donc le deuxième morceau du tout premier EP de Coldust. Encore des choses à dire sur cela. Déjà, on retrouve déjà ce qui sera Coldust après, c'est-à-dire l'énorme recherche de puissance avec des phases très très calmes qui derrière vont vraiment exploser en mettant les quatre instruments, c'est-à-dire la batterie, la basse et les deux guitares ensemble. Il y a un truc qui me chiffonnait sur la première chanson que j'arrivais pas à remettre, c'était... Est-ce que vous vous rappelez de Pileté ? Pileté, un groupe dont on a fait la chronique sur Chronobu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, 2, 3 mois, 4 peut-être. Donc vous pouvez retrouver sur radioculture.wordpress.com. Et je trouve qu'il y a vraiment du Pileté. Alors ça m'étonnerait que les membres de Coldust connaissent Pileté, peut-être quelque part. Mais voilà, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Donc c'est-à-dire ce rock des années 2000 avec une espèce de. Avec beaucoup de puissance, de la mélancolie, quelque chose comme ça. Ça me fait penser aussi sur la fin. Je sens quelque chose comme Incubus, c'est pour ça que je pense plutôt aux années 2000. Voilà, on peut aussi noter évidemment le son très garage. Alors, il n'y a pas sur Bandcamp, c'est pas noté qui c'est qui a enregistré ça. Sur tous les autres, c'est noté. Donc, j'imagine qu'ils ont dû faire ça eux-mêmes. Mais voilà, donc ça donne ce son très garage, très brut finalement, avec une batterie peut-être un peu trop en arrière. Surtout dans les aigus, on entend bien la grosse caisse, mais le reste de la batterie, je trouve que c'est un peu en arrière. Après, bon voilà, on était en 2014, voilà, à la sortie en 2014. On n'avait pas les mêmes moyens que maintenant, hein, même à la maison, ça coûtait un peu plus cher qu'aujourd'hui. Donc voilà, à noter aussi, un petit truc, c'est qu'il y a quand même, je trouve, le son des instruments de Coldust est déjà quand même très bien défini sur ce premier EP. Hein. Je parle vraiment de son de l'instrument, pas du mixage, avec notamment cette guitare rythmique qu'on entend très très bien frotter, c'est-à-dire qu'il y a, c'est pas si distordu que ça. On a beaucoup de sons de frottement, beaucoup de sons de l'attaque, et c'est ça qui va aussi donner la rythmique là où à la même époque et encore aujourd'hui évidemment on aura des sons de guitare un peu plus balèze où on va presque avoir des grosses nappes bien brutes. Là il y a vraiment ce côté presque guitare acoustique, j'allais dire, avec cette manière de frotter qui est presque une frappe. On va écouter donc la troisième et dernière chanson de ce premier EP qui porte le même nom que l'EP en question. Ça s'appelle Of Muses and Myths. Time after time, of Muses and Myth, qui est dans le nom de la chanson et aussi de l'EP, donc sorti en 2014. Alors comment est-ce qu'on pourrait résumer ça? Déjà, je dirais qu'il y a quand même toutes les bases de ce que va devenir Cold Dust. Mais un peu plus bourrin, tout simplement, vraiment. Après, pas beaucoup plus bourrin, j'exagère un peu, mais il y a vraiment une espèce de hargne, de colère en plus que sur les chansons suivantes. J'aimerais faire remarquer les riffs très singuliers de Cold Dust, très reconnaissables, cette espèce de mélange entre une première moitié très très lourde sur la corde grave et puis une deuxième moitié de riffs souvent qui joue avec l'accordage, avec plusieurs cordes, je veux dire, avec un accord dans les aigus. Ça, c'est un truc qu'on va retrouver très très souvent chez Cold Dust et qui fait, je trouve, un peu leur particularité. J'ai rarement entendu des riffs aussi singuliers ailleurs. Et j'aimerais aussi faire remarquer le jeu de batterie. Voilà, donc je voulais vous laisser réécouter ce premier EP. Je rappelle qu'il est sur Bandcamp. Tapez simplement Cold Dust, C-O-L-D-U-S-T, Cold Dust Bandcamp sur votre moteur de recherche et vous allez facilement trouver le Bandcamp. Mais le jeu de batterie qui est quand même excessif pour ce genre de style, j'allais dire, en vrai pas tant, mais il a vraiment une grosse place. C'est assez rare qu'on laisse autant de place à un batteur, et personnellement j'aime beaucoup ça. Vraiment il en fout un peu partout. En plus c'est très très bien calibré avec les riffs qui sont assez chiadés, donc la batterie doit être aussi en termes de tempo et de placement assez chiadé, et je trouve que c'est particulièrement réussi, voilà, dès ce premier petit EP. On va passer, nous, à la suite. On va aller en 2015 cette fois-ci, donc l'année d'après, pour leur, on va dire, je sais pas comment eux le définissent, il va falloir leur demander si un jour on les croise sur Radio Noculture. Mais le deuxième EP, composé de 5 chansons cette fois-ci, et qui s'appelle Cold Dust. Donc est-ce que eux considèrent que c'est leur première vraie sortie, sachant que le premier a été visiblement enregistré par eux-mêmes et que ce second a été enregistré dans un vrai studio avec une équipe. On va voir en tout cas ce que ça donne. Le son sera beaucoup moins garage, mais on va voir musicalement. Est-ce que vraiment il y a une grosse évolution en seulement une petite année finalement. Et on va écouter une première chanson qui s'appelle The Snake sur cet album Cold Dust. The Snake par Cold Dust, c'est le deuxième morceau de cette EP. Le premier morceau que nous on écoute sur cette EP, donc sorti en 2015. Bon, déjà évidemment, le je vous l'avais dit, mais le mixage, l'enregistrement qui est évidemment meilleur. Là, pour le coup, ils l'ont fait en studio. Alors, je vais vous trouver exactement le nom du studio. C'est le studio Silence et Vibration. Voilà, un très joli nom de studio au demeurant. Donc ils ont enregistré ça. Il y a 5 chansons sur cette première EP, on va dire cette première EP professionnelle, si je puis m'exprimer ainsi, avec une superbe pochette d'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir sur internet, voilà la pochette de l'EP qui s'appelle Cold Dust, c'est vraiment très joli. Alors qu'est-ce que on va dire sur cette chanson? Moi je voulais vous la faire écouter déjà pour cette intro. Alors je vais vous laisser évidemment aller réécouter ça, mais cette intro presque jazz, genre j'allais dire presque jazz, donc qui est carrément jazz, avec un truc très très chiadé, je sais pas trop comment exprimer, mais la première fois que je l'ai écouté, j'étais très étonné d'écouter ça sur un album d'un groupe que j'avais eu en concert auparavant qui était très rock, avec cette intro très très jazz, et puis derrière ça part comme sur le premier EP finalement, avec quelque chose d'assez lourd de temps en temps, de très mélodique aussi, une voix toujours aussi rageuse sur cette chanson là en tout cas, qui va pas encore aller dans les calmes, dans vraiment le... on va l'écouter plus tard, mais il a une voix vraiment calme, une voix très très douce, d'ailleurs pour ceux qui connaissent Lénith, ça ne vous étonnera pas, mais là cette chanson il a toujours une voix assez rageuse, et puis en termes de structure aussi il y a quelque chose d'un peu plus long, on va essayer d'aller explorer un peu plus de choses, donc évidemment l'intro jazz, après il y a donc les explosions, les riffs, tout ça qu'on a déjà écouté sur le premier EP, mais des petits moments de calme avant tapette, qui pour le coup avec la batterie et la basse font vraiment une espèce de remous de vague qui va et qui vient, qui je trouve encore une fois très très bien foutu. Voilà pour cette seconde chanson de l'EP, pardon, première qu'on écoute. Nous on va écouter donc une cinquième chanson dans cette émission. Ça fait beaucoup de chiffres, je suis désolé. On va écouter Médusa encore une fois parce que l'intro elle défonce, et puis voilà ce qu'il en faut vraiment plus pour écouter cette superbe chanson. Donc voilà, on est sur Cold Dust avec l'EP qui s'appelle aussi Cold Dust, et on écoute donc Médusa qui est la quatrième chanson de l'EP. Let me cry the night between false white, dying and being far from my home. I've forgotten details that's so hard to stand. Without my wife to love, every wrinkle of the scars reminds me how many years I've loved, but I'll fly, I will fly, I will fly, I will fly, Médusa de Cold Dust, une chanson assez courte. C'est pas complètement inhabituel que pour Cold Dust. Moi, c'est vrai que j'aime bien les trucs longs. C'est pour ça que je mets des trucs longs. Mais voilà, Médusa, qui était peut-être ma chanson préférée de cet album-là. Je l'ai poncé pas mal cet album-là quand je l'avais eu après un concert, je crois. Et ben, j'ai toujours cru d'ailleurs que l'album s'appelait Médusa, alors que pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette chanson? Déjà, évidemment, les deux voix qu'on entend au début. Pour le coup, j'ai vraiment juste une impression. Que ce n'est pas le chanteur qui double sa propre voix, mais que c'est vraiment pour le coup le chanteur principal, donc Mathieu Sélénit, qui le fait avec Sylvain, qu'on appelle Petit aussi, c'est ça son petit surnom, et je vous dis pas ça au hasard, mais que voilà, les deux marchent très bien ensemble avec Petit à la deuxième voix, et vraiment en live ils font vraiment comme ça les deux, et ça marche vraiment très très bien. Souvent dans le moment où il faut vraiment envoyer du pâté, comme on dit, les deux chantent et ça marche vraiment bien. Et puis le jeu guitare, alors on l'entend très bien au début d'ailleurs, il y a vraiment des trouvailles qui sont vraiment vraiment très très cool, qui servent très très bien l'atmosphère de la chanson, et le fait que les deux guitaristes et chanteurs, on va dire comme ça, jouent vraiment deux choses différentes, que dans les oreilles ce soit vraiment de deux côtés différents aussi, ça apporte énormément de richesse, je trouve, à ces chansons en général. Voilà, et les deux, faut avouer que les deux jouent vraiment pas mal, avec des sons de guitare encore une fois que je trouve assez cool pour faire du rock qui pourtant tabasse bien. On a quelque chose de pas si énervé que ça en son de guitare, en tout cas la plupart du temps, pour justement avoir un peu cette subtilité de jeu et que ce soit pas juste des énormes sons. On va écouter la dernière chanson de cette EP, pas encore de l'émission, ne vous inquiétez pas. Ça s'appelle Traveling Land. Voilà, cette fois-ci elle est un peu plus longue, c'est vraiment pour le coup, je trouve, comme le dit le titre, c'est de Traveling Lands, donc les terres qui voyagent, une espèce de petit voyage, c'est pour ça que c'est aussi long, c'est pour ça que ça me plaît aussi autant, je crois. En tout cas, on s'écoute ça et après on fait un petit bilan de cette EP. Traveling Lands par Coldust, c'est sur leur premier, on va dire, premier vrai EP, en tout cas celui, le premier qu'ils ont enregistré en studio. Voilà, alors cette chanson que personnellement j'aime beaucoup, voilà, il y a cet aspect très, très voyage, très épopée que j'aime énormément. On a parlé des guitares, on a parlé de la batterie, j'aimerais vous parler de la basse aussi, surtout ce petit début de chanson où la basse fait une espèce de va-et-vient d'une note à l'autre, un glissando, comme on appelle ça, voilà, le nom est assez assez évident, et tout ça pour vous dire que vraiment, vraiment, ils sont allés, ils ont vraiment réfléchi à tous les aspects de leur chanson. Tout est vraiment calibré. C'est pour ça, à mon avis, que qu'on apprécie autant, qu'ils sont allés aussi loin, aussi vite. C'est parce qu'il y a plein de petites subtilités que on n'entend pas forcément à la première écoute. Et voilà, il faut un petit peu chercher pour écouter, pour trouver toute la richesse de ce groupe-là. Voilà, donc un premier EP officiel. On va dire Coldust, que personnellement j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup beaucoup écouté à sa sortie, et qui donne pour moi un petit peu les bases de ce qu'est Coldust. Pour moi ça ressemblait à ça, vous allez me dire, peut-être parce que j'ai beaucoup écouté l'EP, et vous n'aurez pas tort, mais voilà, il y a cet aspect à la fois très très puissant, avec des gros riffs assez très imaginatifs finalement, assez inhabituels, mais il y a aussi ces petites parties très très calme, très onirique finalement, et puis du détail dans tous les sens, qui fait que c'est toujours un petit plaisir aussi de réécouter encore et encore, parce que à chaque fois on se rend compte qu'il y a un petit truc en plus. Si on écoute la basse, une guitare, la batterie, etc., il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas encore entendu. On va faire un petit point avant de continuer. Il reste deux chansons à écouter. On va faire un petit point sur les groupes actuels, sur les projets actuels des membres de Coldust, donc ils sont quatre. Il y avait Florian à la batterie, qui aujourd'hui joue dans un groupe qui s'appelle Chocolatine avec un K. Voilà, c'est un duo guitare-batterie, se présente comme du rock musical, du rock cinématique plutôt, voilà, qui va accompagner une image. Alors je les ai vus cet été, l'été dernier plutôt, à Topatopia, c'était vraiment, vraiment hyper bien. Et puis de toute façon, voilà, je connais pas très bien le groupe, donc je vais un peu me pencher dessus, et je vais vous tenir au courant quand j'aurai déniché quelque chose à vous mettre sous la dent. Petit, qui est donc à la guitare, on va dire la guitare principale et la deuxième voix. Je vous dis Petit parce que c'est aussi le nom de son projet, Petit, comme une petite chose par exemple, plutôt comme un petit quelque chose, que vous pouvez retrouver en tapant Petit groupe ou quelque chose comme ça sur vos moteurs de recherche. On sent qu'il a été un des moteurs de Coldust. C'est toujours extrêmement chiadé, c'est plus calme, c'est moins c'est moins rock voire metal que Coldust, mais c'est vraiment hyper bien foutu, et voilà, faut vraiment écouter ça. Et puis on va dire celui qui en tout cas marche le mieux, en tout cas peut-être que celui qui s'est donné le plus les moyens pour que ça marche, c'est donc Selenite, que vous avez certainement entendu sur Radio Culture si vous nous écoutez depuis longtemps. Il a sorti un album il n'y a pas si longtemps, en plus il y a quelques mois, donc vous pouvez aller écouter ça, Selenite. Alors c'est pas forcément facile à trouver, parce que la Selenite, c'est à la fois donc son nom, c'est aussi une pierre, le nom d'une pierre, c'est aussi le nom des habitants de la Lune. Alors lui c'est plutôt une référence à la Lune, il me semble. Mais si vous mettez le marcheur Selenite sur vos moteurs de recherche, vous le retrouverez facilement. En tout cas, voilà, tout ça à suivre. Je n'ai pas de projet à vous donner pour Jay le bassiste, mais si vous savez ce qu'il fait en ce moment, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur radionoculture@gmail.com. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous écoutez ça sur internet, sur le site radionoculture.wordpress.com. voilà, dans l'article il y a une petite section commentaire, vous pouvez nous laisser ça, et comme ça ceux qui écouteront pourront aussi aller écouter tout ça. Nous on va continuer avec deux chansons qui ne font pas partie d'un album ou d'un EP. On va écouter d'abord The Theory, qui est sorti donc en 2016, en tout début 2016, en janvier, et qui on va dire une espèce de un single comme ça qu'ils ont voulu sortir pour l'enregistrer, pour avoir quelque chose à écouter aussi pour eux, pour la mettre quelque part dans une boîte. Et c'est apparemment une chanson qui servait d'ouverture à pas mal de leurs concerts, qui s'est jamais retrouvée sur un des EP. Donc voilà, ils l'ont mis sur YouTube celle-là, donc on écoute The Theory. treats like a fly. Cause it means nothing under the stars. The Theory par Coldust. En vrai, je voulais vous faire écouter cette chanson parce que la montée, la toute fin, je la trouve absolument fantastique. Et puis aussi, pour vous encourager, allez regarder le clip sur YouTube qui est une espèce de montage de vieux films avec une espèce de synchronisation forcée de l'acteur principal avec la voix. Ça donne quelque chose d'assez cool à regarder. Voilà, encore une fois, j'aimerais remettre une petite cartouche sur le jeu des guitares et de la basse qui joue presque la même chose mais pas exactement, une à gauche, une à droite, et du coup ça donne quelque chose de vraiment cool, de très spatial finalement, qui est vraiment très très ouvert spatialement, et voilà. Et puis en plus les voix derrière qui vont être doublées, c'est vraiment très cool. Donc ouais, en vrai c'est vraiment presque juste pour ça que je vous fais écouter cette chanson. On va aller vers la toute dernière chanson que Coldust a sortie, s'appelle Elementary Notes. Alors je me demande si c'était pas le premier single d'un album à venir. Malheureusement, le groupe a peut-être splitté juste avant de pouvoir sortir la totalité des chansons. Parce que bon, je trouve ça bizarre d'avoir fait ça juste pour un single. Mais ça, vous pouvez aller le redemander puisque vous pouvez les retrouver évidemment donc sur Bandcamp, je vous l'ai dit, sur YouTube, mais aussi sur Facebook Coldust ou sur Instagram Coldust Music, il me semble en anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur écrire des petits mots pour leur dire de revenir sur scène, parce que pour ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment un groupe de scène à voir, et ils envoyaient du pâté, comme on dit encore une fois. Le groupe s'est splitté donc en 2016, fin 2016, avec le départ de leur batteur Florian, en laissant une petite... ils avaient mis un mot sur Facebook pour expliquer ça, en mettant un... on verra si ça continue. Bon, ça fait 7 ans, a priori, ça continue pas. Donc voilà, ils sont tous partis sur leur projet annexe, mais bon, généralement, au bout de 7 ans, voilà, moins de 10 ans, normalement, pour faire un petit comeback pour quand même un groupe qui, en quelques années seulement, avait quand même vraiment très très bien marché. Faut dire qu'ils bossaient, énormément. Et puis ils avaient fini par tourner un peu partout en France. Je crois qu'ils avaient, ils avaient été jusqu'en Allemagne, il me semble. Donc un très joli parcours pour un groupe aussi, aussi malheureusement éphémère. Donc n'hésitez pas à aller leur écrire pour leur dire allez, revenez, c'est le moment, 2024, l'année de Goldust, pourquoi pas, ou 2025, le temps de se remettre en place. Voilà, nous on va se quitter avec Elementary Notes, donc voilà, qui à mon avis était la prémisse d'un nouvel album qui n'a jamais malheureusement vu le jour. On va écouter la chanson, sachez qu'il y a aussi un clip filmé, voilà, filmé en studio, et il me semble que donc le morceau qu'on va écouter, c'est exactement ce qu'on voit dans le clip, c'est-à-dire que c'est un morceau live qu'ils n'ont pas derrière repris ou peut-être vite fait histoire de raccrocher les wagons s'il y a eu quelques fausses notes, mais a priori c'est quand même un morceau joué en studio évidemment, mais joué live, c'est-à-dire les quatre musiciens ensemble et d'une seule prise. Allez, on écoute ça, Elementary Notes, après on fera un petit bilan du groupe. We'll be right back. Elementary Notes, la dernière chanson de Coldus qu'on écoute aujourd'hui. Et la dernière chanson qu'ils ont sortie, de toute façon, c'était en 2015. Exactement la date, attends, je vais essayer de vous trouver ça. Le 29 février 2016, très exactement. Voilà, une chanson qui est un peu plus calme que les autres, qui prend, pour le coup, plus son temps. Je veux dire, au sein de la structure même, ça double un peu plus, ou quasiment ça double un peu plus les parties pour prendre son temps, avec toujours des petites subtilités qui vont changer entre ces mêmes parties, mais ça prend plus le temps, j'ai l'impression, c'est un peu plus posé et un riff beaucoup plus groovy que vraiment balèze comme on l'a écouté jusque là, donc une chanson un peu plus calme, un peu plus posée, un peu plus même dans la voix, on sent que quelque chose d'un peu moins guttural, d'un peu moins énervé et plutôt presque mélancolique, je ne sais pas, mais comme si c'était arrivé à maturité déjà, alors que ben, pour eux ça fait 2, 3 ans, 4 ans peut-être qu'ils ont commencé ce groupe. Voilà, une dernière quand même dernière chose concernant les paroles. Alors j'avais pas beaucoup parlé parce que c'est à l'anglais, que moi l'anglais c'est pas trop mon truc, mais voilà, toutes les paroles sont listées en tout cas sur leur Bandcamp, et même sur la chanson des théories qu'on écoutait tout à l'heure qui est sur YouTube, il y a aussi les paroles. Voilà, ça a l'air de parler de quelque chose quand même de très c'est très métaphorique, très onirique. Voilà, c'est pas hyper concret. Voilà, c'est si je puis dire, il va falloir essayer de trouver le sens profond des paroles si jamais vous voulez vous y mettre, mais ça a l'air plutôt bien écrit. Voilà, moi je vais vous quitter là. C'était Coldust, que vous pouvez retrouver donc sur Bandcamp, sur YouTube pour certaines chansons. Malheureusement pas sur Spotify, Deezer, etc. À l'époque, voilà, 2016, c'était pas encore la norme de mettre ces chansons là-dessus. Et donc voilà, mais de toute façon, vous mettez Coldust Bandcamp sur votre moteur de recherche et vous allez trouver assez facilement. Sinon, vous pouvez écouter cette émission sur radionoculture.wordpress.com, cette émission-là, mais toutes les autres aussi. Je vous rappelle aussi qu'on est sur Spotify. Maintenant, toutes les émissions qui sont sur le site ont été transférées aussi sur Spotify. Et voilà, si jamais vous voulez nous écrire, radionoculture@gmail.com. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une interview. Je suis très content de faire parce que ça va changer un petit peu de d'habitude, mais je vous en dis pas plus. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!